Ce soir, encore un soir où j'ai perdu le sommeil, réveillé par des pensées qui dans ma tête fout le bordel. 3h40 affiché sur mon tel, sans cette nuit sera loin d'être une nuit en dentelle. C'est dans ces moments que tu comprends que le silence est mortel, aussi gênant qu'un marteau qui martèle. Comme d'habitude, t'es le seul à pas dormir, la solitude fout le seum et ses pensées veulent pas sortir. Je sais pas ce que toi tu fais, mais moi j'écris pour passer le temps, en espérant que mes paupières veulent se refermer dans pas longtemps. Attaqué de tous les côtés par tout ce qui te tracasse, même après des années de vieux dossiers au fond surface. Un coup d'insomnie, le cauchemar du déprimé, car il suffit d'une seule nuit pour que le mal soit imprimé. Quand ton cœur est opprimé, quand ton crâne est comprimé, malheureusement les plus touchés ont recours aux comprimés. J'en ai trop sur le cœur aujourd'hui, je pleure de langue, j'écris avec mes larmes, mes cris ne peuvent s'entendre. Le noir remplit mon âme, ma joie réduit en cendres. Des pensées non raisonnables parfument comme de l'encens. Une atmosphère pesante, le mal contemplaisante, et moi j'essaie tant que mal de garder le moral, je chante. Car le rap m'a toujours aidé à remonter la pente. Les heures passent, tu fermes les yeux, quand tu les ouvres t'es toujours là, coincé dans une impasse. Crois que ça va mais toujours pas. Un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid, je comprends pas, je suis en âge. La dépression, un océan dans lequel souvent je nage. Les raisons de mon mal-être, crois-moi, font plusieurs pages. Toutes ces pages empilées font deux voire trois étages. J'ai beau faire de la muscule, en vain tout ça m'écrase. De l'aube au crépuscule, enfin tout ça me blase. Quand je pense au passé, plusieurs blessures au fond surface. Quand je pense au futur, tellement flou qu'il est dur de lui faire face. Il faut donc que je me surpasse, imposer sans trop de crasse, mes choix, voilà ce qu'il faut que je fasse. Mais les doutes m'envahissent, je ne sais pas quoi faire. Faites pas chier, cassez-vous, mêlez-vous de vos affaires. La vie a parfois un léger goût amer. Lorsqu'elle te jette à terre, j'ai même du dégoût sa mère. J'en ai trop sur le cœur aujourd'hui, je pleure de langue. J'écris avec mes larmes, mes cris ne peuvent s'entendre. Le noir remplit mon âme, ma joie réduit en cendres. Des pensées non raisonnables parfument comme de l'encens. Une atmosphère pesante, le mal contemplaisante. Et moi j'essaie tant que mal de garder le moral. Je chante car le rap m'a toujours aidé à remonter la pente. 5h30, plus j'avance, plus je m'enfonce comme dans les sables mouvants. Sauf que là, ça n'a rien d'émouvant. Aucune aide aux alentours et rien pour m'agripper. Condamné à rester calme, à sombrer dans la tristesse. En attendant que ce cauchemar prenne fin, c'est moi qui stresse. Parce que comme dans les jeux vidéo, ma part de vie baisse. J'aimerais tant pouvoir partir, m'enfuir à toute vitesse. J'aimerais juste que la déprime, le mal-être, que tout s'il cesse. Que les soucis s'effacent, tombe aux oubliettes, au lieu de ça il s'entasse. Le bonheur je l'oublie presque de face en face. La peine augmente sur l'échelle de Richter, et le remède s'avère être un mystère. La vie imprévisible comme peut l'être une vipère. Je me bâche mon possible et peu à peu mon envie perd de l'ampleur. Dans mes sons souvent je pleure, tout ça car je sais qu'à petit feu tout le temps je meurs. J'en ai trop sur le cœur aujourd'hui, je pleure de langue. J'écris avec mes larmes, mes cris ne peuvent s'entendre. Le noir remplit mon âme, ma joie réduit en cendres. Des pensées non raisonnables parfument comme de l'encens. Une atmosphère pesante, le mal contemplaisante. Et moi j'essaie tant que mal de garder le moral, je chante. Car le rap m'a toujours aidé à remonter la pente. J'aimerais crier tout ce que j'ai sur le cœur, mais ça risque d'être long et de faire mal, je pourrais en faire tout un disque. Mais c'est mort, je suis avare de mes problèmes, pourquoi puisque jamais je n'ai trouvé l'aide que j'attendais, tu veux que je dise quoi? Le jour où je viderai mon sac autrement que sur une feuille, je recueillerai plus de larmes que dans n'importe quel deuil. Mais c'est le courage qui me manque, car je déteste baisser les gens que j'aime, même si c'est eux malheureusement qui s'aiment. Le vent, ils récolteront la tempête en pleine tête, et gonfle de jour en jour jusqu'à temps que je pète en fait. Au moins ça mettra un terme à toute cette haine peut-être. Car j'aimerais bien qu'elle disparaisse, j'aimerais bien que tout s'arrête sauf le temps. Car j'ai l'impression qu'il s'est stoppé ou qu'il prend son pied à prendre son temps pour me faire chier. Les premiers rayons de soleil me libèrent de cet état. Un nouveau jour se lève, on tourne la page mais au fond nous en est pas. J'en ai trop sur le cœur aujourd'hui, je pleure de langue. J'écris avec mes larmes, mes cris ne peuvent s'entendre. Le noir remplit mon âme, ma joie réduit en cendres. Des pensées non raisonnables parfument comme de l'encens. Une atmosphère pesante, le mal contemplaisante. Et moi j'essaie tant que mal de garder le moral, je chante. Car le rap m'a toujours aidé à remonter la pente. Perdu dans une vue, j'ai l'impression d'avoir échoué, dégoûté, car le bon exemple devrait provenir de l'aîné. Perdu dans des principes que j'ai du mal à comprendre, car pour ma part dans ma vie, de peu je me contente, t'as compris. Je suis un jeune mais content, car on accepte tellement rarement son avis que j'aimerais dire jamais. Et si un jour tout s'arrange, que les anges dégagent tout ce qui me dérange, faut savoir que le mal est déjà fait. On s'étonne que je parle pas, mais tout le temps on me rabâche les mêmes choses, donc je frise l'overdose. J'ai le droit à la morale à chaque fois que j'ouvre ma bouche. Donc donc je la ferme. J'ai construit une carapace triple couche. Je m'enferme à l'intérieur au calme. Je suis paisible, je retiens ma rage avec des chaînes invisibles. Et si jamais elle se déchaîne et que les chaînes cèdent, crois-moi, je pèterai de 3, 4, 5 fusibles. J'en ai trop sur le cœur aujourd'hui, je pleure de langue. J'écris avec mes larmes, mes cris ne peuvent s'entendre. Le noir remplit mon âme, ma joie réduit en sang. Des pensées non raisonnables parfument comme de l'encens. Une atmosphère pesante, le mal contemplaisante. Et moi j'essaie tant que mal de garder le moral, je chante. Car le rap m'a toujours aidé à remonter la pente. On me demande si un jour j'arrêterai d'écrire. J'ai mis deux sky à la poubelle et combien de fois j'ai eu le désir de laisser moisir cette partie de moi qui rappe, qui réconforte et encourage cette partie de moi qui craque. À chaque fois que je m'éloigne, le rap lui revient. Car au fond il sait bien que c'est grâce à lui que je tiens. Donc la réponse est non, c'est grâce à lui que je me vide. Que j'exorcise mes démons, c'est grâce à lui que je vis. C'est un peu lui qui me guide, qui m'aide à avancer. Qui me sort la tête de l'eau quand je suis en train de me noyer. Qui me donne d'autres couleurs que le noir a broyé. Qui me montre le bout du tunnel quand franchement je croyais ne jamais en sortir. C'est lui qui encaisse ma rage, qui remet un vrai sourire enfin sur mon visage. Qui me tient compagnie durant toutes ces nuits blanches. Qui me tend la main, me relève et attend la foi sur les bancs. Sur le cœur aujourd'hui, je pleure de langue. J'écris avec mes larmes, mes cris ne peuvent s'entendre. Le noir remplit mon âme, ma joie réduit en sang. Des pensées non raisonnables parfument comme de l'encens. Une atmosphère pesante, le mal contemplaisante. Et moi j'essaie tant que mal de garder le moral, je chante. Car le rap m'a toujours aidé à remonter la pente. J'en ai trop sur le cœur aujourd'hui, je pleure de langue. J'écris avec mes larmes, mes cris ne peuvent s'entendre. Le noir remplit mon âme, ma joie réduit en sang. Des pensées non raisonnables parfument comme de l'encens. Une atmosphère pesante, le mal contemplaisante. Et moi j'essaie tant que mal de garder le moral, je chante. Car le rap m'a toujours aidé à remonter la pente.